Mirana, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Arc-en-Ciel. Alors déjà, Mirana, elle vient d'où alors ce prénom? Ben voilà, de Madagascar, et ça veut dire joyeux en malgache. Formidable. D'accord. Joyeux en malgache. Mirana, donc tu es tout seul sur scène, comment ça se passe le groupe? Alors oui, en fait, je suis tout seul, j'ai fait pas mal de boîtes de nuit et de salles. Oui. Après en fait j'ai plusieurs sets, hein, donc j'ai un set où je suis tout seul, donc en semi-live et avec ma guitare, et j'ai un autre set où je ramène toute mon équipe, mes musiciens, mes choristes, et... Ça dépend des concerts que l'on donne. Et alors, donc ça, t'as commencé jeune, ou est-ce que ça te vient? Parce que c'est une influence qui devient forcément, je suppose, de tes origines, ou alors tu as voulu mélanger un petit peu tout un tas de musique? Alors en fait, ça vient vraiment de ma famille, parce qu'en fait, j'ai mon papy à Madagascar qui est un chanteur connu. D'accord. À l'époque. Et du coup, en fait, à chaque fois que je vais là-bas, je dis: papy, je vais faire comme toi. Et... Du coup, voilà, mon but, c'est de faire comme papy, mais en France. Et faire découvrir Madagascar dans toutes les villes où on se déplace. Alors, vous avez encore votre papy? Il peut vous découvrir ce que vous faites sur scène? Oui, je le vois toujours avec toute la technologie qui existe aujourd'hui. On peut s'appeler, on peut tout faire. Hein. Donc, il suit ce que je fais. Pour le moment, il est très fier, il est content. Il me donne des conseils. Alors, il devient fier parce que votre ascension, là, vous commencez à faire des choses, à vous faire remarquer, notamment récemment au mois de mai et puis plus anciennement au mois d'octobre, vous avez fait la première partie des Kids United. Voilà, les Kids, voilà, c'était la rencontre, c'est ma rencontre de l'année. Et, c'est vrai. C'est vrai que je remercie d'ailleurs la prod et toute l'équipe des Kids. Et c'est vrai que ça, depuis qu'on a fait ces premières parties, les choses commencent à avancer vraiment un peu plus vite. Voilà. Et c'est énorme. Et c'est vrai que papy, là, quand j'ai eu au téléphone ce soir-là, il était vraiment heureux. Parce que les Kids, bon, on ne les présente plus maintenant. Et c'est vrai que c'était énorme. Quel souvenir vous gardez de ces deux expériences de scène en première partie des Kids United, on le rappelle? On n'y croit pas, en fait. Honnêtement, on n'y croit pas au début. Et quand on arrive sur scène et on place des boîtes à 6000 personnes devant nous, oui. C'est vrai que ça fait quelque chose d'assez... C'est une impression un peu bizarre au début. Mais sinon, ouais, c'est une très belle expérience. Et puis même... au niveau de l'expérience sur scène, je pense que ça, on apprend encore plus. Et comment ça s'est passé justement? Comment a reçu cette musique ensoleillée de Madagascar? Comment le public des Kids United a reçu votre musique? Eh ben en fait, c'est que les petits, donc notamment Gloria, ont vraiment aimé mon EP que j'ai sorti il y a un petit moment maintenant, qui s'intitule Bienvenue à Mada, un mini album de 6 titres. Et en fait, ils ont aimé vraiment les premiers morceaux. Mm-hmm. Et du coup, c'est comme ça que leur prod a contacté mon producteur, donc Multiplex Production. Et au fur et à mesure des rencontres, ils ont décidé de nous mettre en première partie. C'est formidable, ça. Oui. Non, c'est vrai. Ils ont fait avec vous des duos ou non, vous étiez seul sur scène et vous avez chauffé les salles? Non, les premières parties, en fait, voilà, j'ai vraiment chanté tout seul au début. C'est Gloria, en fait, qui m'annonce au début. En noir sale, et puis après je rentre tout seul et puis je fais mon c'est petit parti set devant le public des Kids United. Voilà, tout à fait. L'album, dis-nous un petit peu plus, combien de titres? Est-ce qu'il y a des reprises? Faut qu'on en sache un petit peu plus sur l'album. Alors là, en fait, on a un album en ce moment, donc Bienvenue à Mada, qui a 6 titres. D'accord. Donc voilà, c'est pour vraiment me présenter un petit peu de ce que je fais. Et après, on va arriver avec un album qui est en préparation. En ce moment, on est beaucoup sur les réseaux, on peut voir, on est beaucoup en studio. Et on a le gros projet du moment, en fait, qui est notre featuring avec la compagnie Créole. D'accord. Ah oui. Et oui, on a sorti un Baiser Tropical. En fait, c'est un remix de Pas Moins Thibaut. Voilà. Avec la compagnie Créole, qui est sorti il y a un mois maintenant. Et vous pouvez retrouver le clip d'ailleurs sur les réseaux, sur YouTube. Ce que je propose justement, c'est qu'on l'écoute tout de suite pour voir un petit peu le. Ah bah, avec plaisir. Ah bah oui, le temps que ça donne. Ouais, Mirana. On en parle après parce que je suis curieuse de cette rencontre avec la compagnie Créole. Je veux en savoir plus, quoi. On en parle juste après alors. Juste après alors. C'est le soleil sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Allez, bas moins Thibaut, tout de suite Mirana sur Arc-en-Ciel. Venez, venez les amis, écoutez ce que je vais vous raconter. C'est un conte de fées, jamais vous ne l'oublierez. Bas moins Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Bas moins Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut d'amour. Bas moins Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Avant tout ça rouler, pour soulager tiens moi. Je me baladais les pieds dans l'océan. J'étais certain que c'est elle qu'il me fallait. ça veut dire quoi, Bamon et Thibaut? Je ne sais pas. Tu traduis pas le créole? Bamon et Thibaut, c'est donne-moi un baiser, ça veut dire. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit donne-moi un baiser, doudou, deux baisers, trois baisers, doudou. D'accord. Voilà. Tout c'est ça. Mon cœur. Et ben, c'est ça, Mirana, je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça, un bisou, deux bisous pour soulager mon cœur. Pour soulager mon cœur, voilà, exactement. Ouais. Ah, je suis pas créole, mais j'ai appris. C'est pour ça, bah, en fait, c'est des rencontres que j'ai eues aussi avec la compagnie créole il y a très très longtemps et des artistes, bah, entre autres Daniel Théo et bien d'autres. D'accord. Alors, ouais, justement, ce titre-là en français, du coup, c'est Baiser Tropical. Voilà, et donc là, Baiser Tropical. Et donc, tu as tourné un petit clip vidéo aussi à cette occasion, alors? Voilà, on a tourné un clip, on a avec l'équipe de Monio. Et du coup, on a tourné le clip avec la compagnie il y a un petit mois de là, de ça maintenant. Et d'ailleurs, Baiser Tropical, il est entré à la 16e place du classement Top Indécouverte. C'est quoi ce truc? Voilà, il vient de rentrer à la 16e place du Top Indécouverte, ouais, qui classe en fait les nouveautés, les nouveaux artistes. D'accord, enfin, bravo. Et apparemment, j'ai mon prof à côté de moi qui me dit qu'apparemment il serait passé 13e. Ah, bravo, vous ensoleillez même le classement. Alors cette rencontre, on disait tout à l'heure qu'on allait en parler un petit peu plus. Comment s'est faite cette rencontre avec la compagnie créole? Alors cette rencontre, en fait, c'est parti d'un soir où on rentrait de concert avec mon producteur. Il m'a dit, écoute, j'ai envie qu'on fasse un titre cet été, mais un titre connu avec la compagnie créole. Donc moi, sur le coup, je le regarde, j'ai dit... Oui, mais bon, la compagnie créole, pour moi, c'est un grand groupe. Ils ont fait une carrière qu'on... voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, bon, moi, j'ai un son, donne-moi un petit mot. J'aimerais bien qu'on essaie de faire quelque chose. Et du coup, on est allé en studio, on a travaillé avec Hannibal Flint, donc un DJ producteur. Et nous, on a sorti le single. On a pris un rendez-vous avec la compagnie, parce qu'au début, on a juste présenté, en fait, j'avais fait tout le titre sans la compagnie, pour leur présenter, justement. Donc après, on a eu ce rendez-vous. Et puis, j'ai croisé les doigts pour qu'ils acceptent. Et puis, au final, bah, ils ont accepté. Bon, et on a commencé l'aventure du clip et d'enregistrer le morceau avec eux. C'est très joli. On peut espérer voir cette complicité un jour sur scène, que vous partagiez une même scène ou... Alors, on a déjà partagé une scène ensemble. C'était à Metz, au Field. C'est la première fois qu'on l'avait joué au public. Et là, pour le moment, je sais pas si je peux l'annoncer. Bon, alors je peux l'annoncer. Allez, si. Ah bah si, si. Non mais là, on est entre nous, en fait. On est entre nous. Allez-y, tout doucement. Allez-y. Donc en 2018, je serai à l'Olympia avec la compagnie créole. Avec la compagnie créole. La compagnie créole. C'est la nouvelle 2018. Ah, c'est un scoop. Hein. Oh, merci pour le scoop. Merci. C'est énorme. Alors justement, ça va donner. Votre nom en haut de l'affiche à l'Olympia. Voilà, avec la compagnie créole. Bon, j'ai beaucoup d'artistes qui vont là-bas. C'est le lieu mythique. Bien hein, sûr, voilà. L'Olympia. Et puis, ben, je pense que avec ce groupe-là, moi, pour les avoir vus à plusieurs reprises, rencontrer, discuter et avoir des chanteurs qui étaient avec eux. Je connais un de leurs anciens pianistes, parce qu'il y a eu plusieurs personnes dans la formation. Et c'est des personnes très joyeuses, accueillantes. Et c'est vrai que je pense que quand tu es arrivé, toi aussi, avec tes titres, parce qu'ils ont écouté celui-ci, mais ils ont dû écouter certainement les autres, je pense qu'ils ont dû te dire qu'il fallait y aller, parce que c'est vraiment la couleur qui correspond à eux, la couleur ensoleillée des îles. Vous êtes en famille un peu dans le style, bien sûr. Clément, ça me voit comme son petit, en fait. C'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit, elle me voit comme son petit-fils, en fait. C'est ce que j'ai dit. Elle veut vraiment que j'avance et d'ailleurs je les remercie encore et je ne remercierai jamais assez même. Un grand merci à Clément. C'est très joli cette histoire. Est-ce qu'une date se profile, enfin un mois peut-être pour 2018, cette scène à l'Olympia? Non, vous avez déjà une idée de... Ah non, par contre là on n'a pas du tout une idée à peu près de la période de l'année où ça se passerait. De la compagnie, ça sera fin 2018 quand ils vont repartir pour leur tournée. Ok, fin 2018, et bien on guettera ça et j'espère que vous reviendrez nous en parler avant. Pour nous inviter à cette soirée, il faudra nous le dire, qu'on puisse noter la date sur les agendas. Alors moi, ce que je propose, maintenant, on va quand même écouter aussi un morceau à toi. Oui, on va commencer par Place à l'été, puisqu'on est en plein dedans. La musique ensoleillée, et puis on parle juste après ensemble de Place à l'été pour savoir comment ça s'est arrivé. D'accord, avec plaisir. Allez, Mirana sur Arc-en-Ciel avec le clip vidéo qui est présent sur YouTube, Place à l'été. La limousine nous attend. tu bouges ce soir. Laisse-toi aller, entre dans le mood. My girl, c'est ta soirée. Je veux que tu danses, danses, chantes, chantes. Laisse-toi guider. Danse, danse, chante, chante. On passe à l'été. Je veux que tu bouges ce soir. J'arrive tout droit de Mada, ou tu sois danse avec moi. Et quand j'arrive dans les clubs, toutes les filles sont ready, ready. Comment on se joue dans les clubs, tout le monde bouge son balai, balai. Y'en a des barques si tu connais pas. Écoute, ce son est pour toi. Quand il faut bouger, je suis là pour ça. Alors lâche-toi, hésite pas. Y'en a des barques si tu connais pas. Écoute, ce son est pour toi. Quand il faut bouger, je suis là pour ça. Alors lâche-toi, hésite pas. Je veux que tu bouges ce soir, laisse-toi aller, entre dans le mood. My girl, c'est ta soirée, je veux que tu danses, danses, chante, chante. Laisse-toi guider, danse, danse, chante, chante. On passe à l'été, je veux que tu bouges ce soir. Laisse-toi aller, entre dans le mood. My girl, c'est ta soirée, je veux que tu danses, danses, chante, chante. Laisse-toi guider, danse, danse, chante, chante. On passe à l'été, l'été arrive. Alors Mirana, place à l'été sur Arc-en-Ciel. Alors Mirana, justement, c'est toi qui compose la musique, les paroles, d'où est-ce que ça vient? Alors oui, c'est moi qui compose du coup. D'accord. Et en fait, j'ai mon petit studio d'enregistrement dans ma ville à Poitiers. Ouais. Et donc du coup, je compose, je fais tout, et puis après, on part en studio pour faire les enregistrements et les mix définitifs. D'accord. Et donc là, les idées, ça devient comme ça? C'est sur un coin de table, t'as une idée, ou tu veux, ça va vite? Quand je suis en studio, j'essaie de trouver des mélodies, ou même quand je me balade, j'ai mon dictaphone sur moi, et puis je rentre une petite mélodie, et dès que je vais au studio, après je la rentre sur les synthés. D'accord. Et après, je travaille autour la mélodie, les rythmiques, les guitares, etc. D'accord. Alors, où vous trouvez toute cette énergie, ce soleil, dans une conjoncture qui veut souvent nous plomber? Votre musique fait du bien. Où trouvez-vous l'énergie, le soleil pour créer tout ça? Madagascar. C'est vrai que c'est un pays quand même, ce qui est merveilleux. Et puis ce que je dis, malgré que ce soit un pays très pauvre, on a toujours le sourire et voilà. Voilà. Ils sont heureux de ce qu'ils ont. Et moi, c'est ça ma vie, c'est sois heureux de ce que tu as et procure du plaisir, donne du plaisir aux gens et voilà, toujours avoir le smile. Finalement, vous avez l'empreinte de cette énergie-là qui vient de vos origines, mais parce que vous êtes né en France finalement, avez cette empreinte-là quand même. Mais j'ai cette empreinte où je sais pas ce que ma famille m'a transmis et puis. C'est vrai que Madagascar, ouais, j'y tiens vraiment. C'est mon île, comme je dis, mon île, mon âme. Et puis tu vois ton grand-père musicien là-bas. Mais justement, Patrick, justement, Patrick, vous me tendez la perche. Oui. Ce grand-père qui vit là-bas à Madagascar, est-ce que vous lui demandez son avis avant de sortir une composition? Est-ce que vous avez besoin de son avis, de son oreille? Mais en fait, dès que j'ai une compo, ça va même avant. Ça veut dire que, par exemple, dès que j'ai une ligne mélodique, je vais lui envoyer. Par Viber ou autre, il va me dire ah oui ça c'est bien, tiens je mettrai peut-être plus une note qui monte un peu plus, comme ça après quand tu vas rentrer les percus tu verras ça va plus taper, plein de petits trucs comme ça, et puis après je repars en studio, je le renvoie, après pareil avec mon producteur, là on commence à voir un peu qu'est-ce qu'on fait, et c'est vrai qu'on c'est vraiment un circuit en fait qu'on a fabriqué tous ensemble quoi. D'accord, c'est beau ces créations en famille finalement, et cette empreinte du papy artiste qui est là. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça et je tiens à ce qu'il soit parmi nous, quoi. Et grâce à lui, musique. Je pense que grâce à lui, tu as oublié ta timidité alors. Bien vu, pour faire un rappel à un titre à moi, oui. Et ben voilà, exactement. Bien vu. Oublie ta timidité, Mirana sur Arc-en-Ciel. t'es moi. Toi, on va danser, lever les mains. On est paré pour passer une bonne soirée. Gauche, gauche sur le côté. Toi, toi, on va danser, lever les mains. On est paré. Hey, hey, hey, hey, hey. Venez danser, qu'on est serré. Pas de timidité, ce soir t'es malidé. Allez, oublie ta timidité, Mirana sur Arc-en-Ciel. Alors moi, j'aime bien ces sons. Alors forcément, je suis de la partie, je suis disque jockey à la base, donc forcément, c'est le genre de musique. Oui, forcément, voilà. Je croyais que t'étais de Madagascar. Moi. Non, je suis pas de Madagascar. Alors, ce qui est rigolo, non, j'ai des amis qui viennent de La Réunion, Madagascar, un bon ami à moi, la Guadeloupe. Donc, on connaît un petit peu les îles. Moi, j'ai des influences aussi plutôt africaines, hein, parce que le Cap-Vert, les îles, donc ça me connaît un petit peu. Ah, oui. D'accord. J'ai été traîné pendant une bonne période avec César Yebora, donc forcément, la diva aux pieds nus. Donc, donc forcément, voilà, on connaît un petit peu toutes ces influences, le rythme. Hein. Et puis, on a un ami à nous, Badi, hein, qui chante un petit peu musique limite, Lucenzo, Kuduro et tout, qui a fait l'hymne officiel de la Coupe du Monde pour le Brésil. Quand il y a eu la Coupe du Monde, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Donc c'est vrai que on reconnaît un peu ses influences dansantes. Et moi, je pense que quand tu vas sur une soirée, hein, que ce soit une boîte de nuit, un concert ou pas, et que les gens viennent t'écouter, ils connaissent peut-être pas Mirana ni tes morceaux, ça les y en diable quand même. Ils ont quand même envie de danser sur la piste. Ça, c'est chaleureux. Je pense qu'ils accrochent tout de suite. Oui, c'est vrai que les premiers morceaux... on voit tout de suite, ça danse. En fait, ils sont là vraiment pour bah, oublier cette timidité. En fait, on est l'exemple. En fait, on est là en soirée, on oublie tout ce qui nous arrive au quotidien, voilà. Oui. Et on rentre sur la piste, on s'amuse, quoi. Et moi, je suis vraiment là pour passer du bon moment avec eux. Et c'est pour ça, en fait, que j'adore faire ça. Vous avez récemment chanté pour une soirée de gala de l'association Working Girl à Paris au restaurant du Sénat. Qu'est-ce qui vous a amené au restaurant du Sénat? C'est vrai que depuis qu'on a été là-bas, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. C'est vrai, Mirana au Sénat, ça fait les gens ne comprenaient pas trop, en fait. Alors racontez-moi cette aventure-là. Alors, Candice qui s'occupe, en fait, qui est la présidente des Working Girls Paris, je l'avais rencontrée il y a quelques mois dans un autre gala encore. Donc là, c'était à Paris aussi, pour le Silence des Justes, en fait, une association. Et Silence des Justes, je vois bien, parce que les Justes sont donc les personnes qui, après-guerre, avaient beaucoup œuvré dans la résistance, etc. C'est ça, on parle bien de ça? Les justes d'après-guerre, c'est-à-dire les gens à qui aujourd'hui on reconnaît l'action pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui sont écoutés pour leur témoignage. Mais l'association, en revanche, Working Girl Paris, c'est quoi? Voilà, alors Working Girl Paris, en fait, c'est plein d'entrepreneuses, en fait. D'accord. Et c'est que des filles, des femmes, quoi, des girls, Working Girl. Et donc, du coup, Candice a apprécié mes musiques et ça fait un petit moment, du coup, qu'elle m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu viennes et que je te présente à Paris à plein de monde et que tu viennes au Sénat. Donc moi au début j'ai fait au Sénat, j'ai pas compris au début, je pensais pas que j'ai mal compris tellement que j'imaginais pas le Sénat. Oui, tu pensais que c'était une boîte, peut-être. Que c'était le nom d'un café. Oui, une boîte, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui. Et du coup, elle m'a envoyé les trucs. Non, c'est au Sénat, tu vas au Palais du Luxembourg, au restaurant. Là-bas, tu vas rencontrer des gens. Et on a rencontré Michel Bouzna. Oui. Michel Bouzna, qui est un humoriste. Oui, voilà. Comédien. Et Oscar Sisto aussi, on a pu voir, un prof de la Star Academy, et puis qui a fait plein de choses. On connaît. Donc voilà pourquoi je suis arrivé en fait au Sénat. Bon, vous gardez un bon souvenir de cette expérience-là. C'était le 22 juin, je crois. C'était un très bon moment. Et puis, on a présenté mon nouveau single avec la compagnie. D'accord. Devant tout le monde. Et alors, est-ce que des hommes ou femmes politiques étaient présents ou pas? Non. Alors en politique, non. Ça doit être magnifique. Ouais, c'est beau, celui-là doit être assez exceptionnel. Enfin, tout le monde rêve d'aller faire un tour là-bas. Ouais, ouais, non, c'est énorme. Puis comme je disais à Flo, en fait, tout va très vite dans ce moment. Mais c'est bien. Mais c'est super. Tout va très vite. Les petites dates où on va pouvoir te retrouver. Sur la page Facebook, entre autres, vous tapez Mirana, comme ça se prononce, M-I-R-A-N-A, officiel, et on trouve tout, effectivement, y compris les événements à venir. Oui. Voilà, et vous aurez toutes les dates. Ouais. Et tes albums, alors, est-ce qu'on peut les retrouver? Parce que c'est bien de venir te voir, peut-être en fin de concert, on peut les acheter, mais il y a une possibilité. Voilà, alors les albums, la plupart des temps, voilà, c'est en fin de concert, sur nos concerts, vous pouvez les retrouver. Ou sinon, vous allez sur le site Mixlore Productions, à la rubrique Mirana, et vous allez avoir tout pour pouvoir vous procurer l'album en physique. Eh bien ça c'est super. Alors moi tiens, pour terminer, un gros coup de cœur, parce qu'il y a pas mal d'albums, hein, tu as sorti pas mal de morceaux, toujours aussi ensoleillés, et c'est bien parce que quand on écoute des musiques, on dit oui ça se ressemble, genre par exemple tu prends les Magic System qui sont très bien, hein, mais un rythme en entraîne un autre, et toi on a l'impression qu'on est toujours sur quelque chose de différent. Les paroles changent, le rythme il est toujours endiablé, différent, et ça s'amène cette petite couleur ensoleillée qui est merveilleuse. Moi je dis Mirana, c'est... Bah, merci beaucoup. Ça s'écoute, je vais dire, quasiment sans modération, il n'y a pas besoin de médicaments. Ça ramène le soleil tout de suite ici sur Arc-en-Ciel. Allez, pour terminer ensemble, je te propose Bellissima de Mirana. C'est le dernier bébé avec Bamo et Thibaut. C'est les deux derniers qui sont dans l'actualité. Voilà, c'est les deux derniers qu'on a sortis dans l'actu. Voilà, c'était Bellissima et ensuite Baiser Tropical. Eh bien, un grand merci à toi, Mirana. Et puis, on te souhaite bon courage pour ce soir et pour le reste de la tournée, alors. Merci, merci à vous tous. Et puis, je vous fais plein de bises et j'espère vous Nous aussi. On espère vous retrouver très bientôt. On a qu'une hâte, c'est de diffuser le reste de tes albums. Et puis, à très bientôt sur Arc-en-Ciel, alors. Et le style et le charme qui me faut. Quand ses yeux clignent, je ne trouve plus les mots. Trop difficile de lui trouver un défaut. C'est un battement de cils, m'a déjà rendu accro. À chaque pelle, m'emballe, balle, balle, balle, balle. Avec ce corps de dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. On va les chanter briller autant que les étoiles, toile, toile. Laissez-moi respirer, laissez-moi juste un instant. Et quand je vois sa silhouette, je pourrais la suivre encore des kilomètres. Je serais tellement ravi d'être ton mec. Je te promets simplement une vie parfaite, parfaite. Écoute-moi, jolie señorita, où vas-tu? Dis-moi, bellissima, je suis perdu. Sans toi, señorita, je te veux près de moi. Yeah. Écoute-moi, jolie señorita, que fais-tu? Dis-moi, ma bellissima, je n'en peux plus. Sans toi, señorita, ouvre-moi grand tes bras. C'est une bombe latina, guidée par les rites de rumba ou salsa. Et mon cœur dit, oulalala, comme dirait Woody's, cette fille est pour moi. Elle est sensuelle, sensuelle, sensuelle. Joueuse avec les hommes, je le lis dans son regard. Donne-moi ton fun, tel, tel, tel. Laisse-moi une dernière chance avant qu'on se dise au revoir. Avec elle, je me sens le plus beau des gosses beaux. Donne-moi tes directives, je mettrai dans le tempo. Appelle-moi dans la soirée, baby, no problemo. J'aimerais que tu saches que je suis totalement accro. Écoute-moi, jolie señorita, où vas-tu? Dis-moi, bellissima, je suis perdu. Sans toi, señorita, je te veux près de moi. Yeah. Écoute-moi, jolie señorita. Que fais-tu? Dis-moi ma bellissima, je n'en peux plus. Sans toi, señorita, ouvre-moi grand tes bras. Ma señorita, ma bellissima. Oh, ma señorita, ma bellissima. Ma señorita, ma señorita, ouvre-moi grand tes bras. Ma bellissima, ma bellissima, tu ne regretteras pas. Écoute-moi, jolie señorita, où vas-tu? Dis-moi, bellissima, je suis perdu. Sans toi, señorita, je te veux près de moi. Yeah. Écoute-moi, jolie señorita, que fais-tu? Dis-moi, ma bellissima, je n'en peux plus. Sans toi, señorita, ouvre-moi grand tes bras. Écoute-moi, jolie señorita, où vas-tu? Dis-moi, bellissima, je suis perdu. Sans toi, señorita, je te veux près de moi. Yeah. Écoute-moi, jolie señorita, que fais-tu? Dis-moi, ma bellissima, je n'en peux plus. Sans toi, señorita, ouvre-moi grand tes bras. Reste là, bellissima. Ne pars pas. Reste là, bellissima. Ma bellissima. Ma bellissima. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les yeux.